Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Seizième épisode. Pour protéger Nessim, Mantoli va tenter d'étouffer l'affaire du complot dévoilé par Perswarden. Mais un courrier de Maskelyne, en provenance de Jérusalem, a apporté les preuves formelles de l'existence de la conspiration copte et de l'acheminement d'armes par Nessim aux combattants juifs de Palestine. Nessim est parvenu à gagner du temps en soudoyant le très vénal ministre de l'Intérieur, Memlik Pacha. Il a obtenu un sursis jusqu'à Noël. Levez bien le menton, Excellence. Là, que je ne vous coupe pas. Voilà, c'est bien. Et maintenant, un petit massage pour vous détendre. Raphaël, Allah seul connaît la pesanteur de mes tâches. Vous êtes un homme important, Memlik Pacha. Raphaël, un petit Italien aux traits délicats de poupée, coiffeur et maquereau de son état, faisait partie de la garde rapprochée de Memlik. Le Pacha faisait grand cas des réflexions de son barbier, qui n'était jamais à court d'idées ni d'avis, et savait les présenter en les simplifiant de manière qu'elles soient aisément compréhensibles. Raphaël savait que Memlik souhaitait plumer Nessim Rosnani le plus longtemps possible. Il fallait, par conséquent, ménager le banquier copte et lui accorder un long répit. Il y a deux frères, Excellence. Deux frères, Rosnani, et non un, Excellence. Puis il poussa un soupir, appuya ses doigts blancs sur la peau brune du Pacha et le massa. Il procédait lentement, car pour faire enregistrer une idée à Memlik, il fallait opérer comme pour peindre un mur, attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde. Des deux frères, l'un possède beaucoup de terres et l'autre possède beaucoup d'argent. Le riche, c'est celui du livre rare. Le propriétaire terrien ne servirait à rien à son excellence. Mais celui dont la bourse est inépuisable... Très bien, très bien. Mais... Certes, les papiers qui ont été communiqués à votre excellence étaient signés Rosnani, mais du nom de famille seulement. Qui peut dire lequel des deux frères a signé, lequel est coupable et lequel est innocent? Le sage sacrifierait-il un homme riche d'argent, un homme riche de terre? Moi, je n'hésiterai pas, Excellence. Non, je n'hésiterai pas. Que ferais-tu, mon petit Raphaël, hein? Pour des gens comme les Anglais, il serait facile de laisser entendre que le coupable... c'est le pauvre, et non le riche. Mais je pense tout haut, Excellence, et je ne suis qu'un petit homme parmi les grandes affaires. Memlik respira tranquillement par la bouche en gardant les yeux fermés. Il savait l'art de ne jamais manifester de surprise. Au cours du dernier mois, il avait reçu 3 nouveaux volumes à ajouter à sa bibliothèque, ce qui ne lui laissait plus guère de doute sur la fortune de son client, l'aîné des Rosnani. Noël approchait, satisfaire à la fois les Anglais et sa propre cupidité, voilà qui serait très habile en vérité. À moins de 800 mètres du fauteuil où Memlik se faisait raser, sur l'autre rive des eaux brumeuses du Nil, Mantoliv était assis devant ses dossiers. Sur le grand bureau, se trouvait le carton d'invitation qui le priait d'honorer de sa présence l'une des grandes manifestations mondaines annuelles, la chasse aux canards que Nessim organisait sur le lac Mareotis. Mais ce matin-là, il y avait un autre courrier, plus important encore. une enveloppe molletonnée, parfumée au chypre. Mantolive respira longuement l'enveloppe au parfum familier. Leïla, enfin. David, je pars pour l'étranger, peut-être pour longtemps, peut-être pas, je ne puis le dire. C'est contre mon gré. Mais Nessim insiste. Il faut que je te voie avant de partir. J'ai quelque chose à te demander, quelque chose à te dire. Toute cette affaire, je n'étais pas au courant jusqu'au jour du bal, je le jure. Je t'attendrai, la veille de la chasse, à la tombée de la nuit, près de l'auberge bleue. Je serai dans un vieux fiacre, en retrait de la route, sous les palmiers. Ma pauvre Leïla. Allô ? Errol ? Je suppose que toute l'ambassade a été invitée à la partie de chasse de Hosnani. Bon. Je dois dire qu'il ne manque pas d'audace. Naturellement, je dois refuser. Mais j'aimerais tout de même que vous y alliez à ma place. Uniquement pour sauver les apparences. Vous voulez bien ? Je vous remercie. Autre chose, je m'absenterai pour une affaire personnelle ce soir-là et je serai de retour le lendemain. Bonne chasse. Je reçus, moi aussi, le carton d'invitation à la grande chasse annuelle, rédigé de la main même de Nessim. Je le contemplais, en me disant que là, d'une manière encore indéfinissable, se trouvait la solution vers laquelle nous avions tous tendu. À l'époque, j'ignorais tout du complot. Mais la mort de Pershwarden, ma liaison avec Justine, celle de Mélissa avec Nessim, le comportement inquiétant de ce dernier, son amour fou pour Justine, sa jalousie, alourdissait l'invitation posée devant moi de tous les présages d'un désastre. Parlais, naturellement, tu vas refuser. Tu n'iras pas, n'est-ce pas? Tu ne vas pas tenter le diable? Dis, réponds-moi. Et comme pour donner plus de poids à sa prière, elle ôta sa robe et ses chaussures, et se coula doucement dans le lit contre moi, cheveux et bouche tièdes, mouvements nerveux et trompeurs d'un corps qui se presse contre un autre corps, comme s'il souffrait d'une blessure inguérissable. J'eus alors le sentiment que je ne pouvais pas priver plus longtemps Nessim de la confrontation qui l'attendait. Il y avait aussi la sensation fluide et feutrée d'un soulagement imminent, et je me sentais presque heureux en regardant le visage de celle qui était dans mes bras, ses yeux noirs, merveilleusement expressifs, semblaient plonger au fond de sa mémoire comme du haut d'une fenêtre. Comme tu me regardes. C'est dans les yeux de Mélissa que je regarde. S'il t'arrivait malheur... Ce serait elle qui serait la plus atteinte, je sais. Mes pensées remontaient le long de la chaîne de baisers que Justine avait forgée. Remontait le cours de la mémoire en haletant, tel un marin qui descend le long de l'ancre jusqu'aux profondeurs les plus obscures de quelque grand port stagnant du souvenir. Tu trouveras bien une excuse. Tu n'iras pas, Darley. Mais je ne peux pas refuser. C'est impossible. Justine sortit lentement du lit. Elle se mit à faire les 100 pas sur le tapis. Je voyais bien que ce n'était qu'au prix d'un grand effort qu'elle parvenait à se contenir. Eh bien, vas-y. Moi aussi, j'irai. Tu as raison. Nous devons y aller. Puis, se tournant vers le miroir pour achever sa toilette, elle étudia le désordre de son beau visage. Encore un cheveu blanc. Dix jours plus tard, Mantolive s'élançait sur la route du désert, heureux d'entendre le doux sifflement de l'air contre le pare-brise de sa voiture climatisée. L'après-midi était déjà fort avancé quand il atteignit la limite du désert et amorça les lents virages qui le conduisaient au premier faubourg crasseux de la ville. Le ciel était couvert. Un orage planait sur Alexandrie. il aperçut une ville de perles à travers le voile sombre des nuages et les minarets ensanglantés par un précoce coucher de soleil. La pluie est un phénomène rare et bref à Alexandrie. En quelques minutes, le vent de la mer se lève, change de cap, les nuages roulent comme d'énormes tapis et le ciel redevient pur. Mount Olive retrouvait la cité qu'il avait connue jadis. Et il se laissa griser par sa pénétrante mélancolie tandis qu'il la traversait à faible allure. Il descendit doucement par la grande corniche vers l'auberge bleue située dans les faubourgs de la ville, dans un décor de dunes et de palmiers. Il roula lentement sur le bord de la route, puis se rangea dans le parc à voitures encore désert et éteignit les phares. Il resta un moment assis à l'intérieur, pour s'accoutumer au crépuscule bleuâtre. Puis il l'aperçut de l'autre côté de la route, face au parking, devant une plage de sable et quelques palmiers au tronc courbé. Un vieux fiacre était arrêté. Mount Olive traversa la route d'un pas allègre, faisant crisser le gravier sous ses semelles. Leila ? David, enfin, nous nous retrouvons. J'ai fait tout ce chemin pour te dire... Il se pencha en avant, intrigué, s'efforçant de percer l'obscurité. Mais il ne put distinguer qu'une vague forme tassée à l'autre bout de la banquette. Entre. Entre et nous pourrons parler. Que se passait-il donc? Il ne reconnaissait pas du tout cette voix. Ou plus exactement, tout en sachant que c'était la voix de Leila, il refusait d'admettre ce qu'il entendait. Ce n'était pas la voix si chère qui, dans son imagination, avait continué à vivre et faire revivre le souvenir de Leila. Leila, c'est toi? Entre. Voilà. Tu vois, j'ai fini par venir à toi, sans voile. Leila fit un petit signe et le vieux cocher en tarbouche tourna lentement son cheval vers la chaussée illuminée de la grande corniche et ils partirent au pas. L'une après l'autre, les lampes bleues des réverbères éclairaient l'intérieur du fiacre et à la faveur de ces clartés indiscrètes, Mount Olive se tourna pour contempler la femme assise à côté de lui. Il vit une femme d'un âge certain, grasse, le visage grêlé des marques laissées par la petite vérole, les yeux grotesquement agrandis par des traits de crayon bleu, les yeux mutins et tristes d'une caricature gauchement dessinée. Il ne la reconnaissait plus du tout. Leila. Il la contemplait mélancoliquement, en se demandant sincèrement, pitoyablement, si elle l'avait reconnue. Il ne savait pas que les femmes n'oublient jamais l'image d'un être aimé. Tu n'as pas du tout changé. Mon bien-aimé, mon chéri, mon ange. Dans l'obscurité, Mount Olive se sentit rougir sous la caresse de ces mots tendres qui sortaient des lèvres d'un personnage inconnu. Il eut envie de jurer, tandis qu'ils allaient et venaient sur la corniche dans un fiacre suranné, pareil à des infirmes qui prennent le frais. Puis, elle se mit à parler plus vite, en sautant d'un sujet à l'autre. Ses phrases semblaient n'être qu'une introduction au sujet dont elle était venue lui parler. Je dois partir demain. C'est Nessim qui l'exige. Il fallait que je te voie, que je te parle. Ce n'est pas pour moi, ce n'est jamais pour moi, mon cher cœur. C'est au sujet de ce que j'ai appris de Nessim le soir du bal. Faire quelque chose contre les Anglais. Il a dû devenir fou. Elle parlait d'une voix oppressée. Comme si elle avait hâte d'en venir à l'essentiel. Les Anglais essaient d'amener les Égyptiens à tuer Nessim. David, tu dois user de ton influence pour empêcher une chose pareille. Je te supplie de le sauver. C'est la première fois que je te demande une faveur. Mais Leila, Je t'en supplie, aide-moi. Leila, arrête, je t'en prie. Il n'y a que toi qui peux le sauver maintenant. Si tu n'arrêtes pas immédiatement. Mais Leila se mit à gémir de plus belle. N'y tenant plus, Mount Olive sauta maladroitement sur la route. C'était affreux de devoir interrompre ainsi leur entrevue. Le fiacre s'arrêta. Montolive conclut d'une voix qui lui parut venir de très loin et qui semblait avoir perdu toute expression reconnaissable, mis à part une placidité un peu désuète. Il m'est impossible de discuter d'un sujet officiel avec une personne privée. Leïla, au revoir. Il lui pressa la main sans se retourner, puis il se sauva à toutes jambes. Il ouvrit la portière de sa voiture et se laissa tomber sur le siège. Il entendit le fiacre s'ébranler dans l'obscurité. Il le regarda tourner lentement le long de la corniche et disparaître. Il alluma une cigarette et mit le moteur en marche. Et tout à coup, Alexandrie et l'Égypte tout entière lui parurent soudain insupportables, ennuyeuses et vides. Montolive traversa la ville pour reprendre la route du désert, fuyant comme un vulgaire voleur. Il venait de prendre une décision. Partir. Ne plus perdre mon temps ici, dans cette Égypte décevante et sordide. Elle a ruiné mes amitiés, elle a tué mes amours. Retrouver Liza et partir. Il poursuivit sa route, en plissant les yeux sous les rayons obliques d'un soleil tout neuf qui léchait triomphalement les crêtes des dunes. Il roula ainsi bon train jusqu'au Caire et arriva à l'ambassade au moment où Erol chargeait sa voiture de tout l'attirail des chasseurs professionnels, porte-fusils, cartouchières, jumelles, bouteilles, thermos, etc. Il était tout excité et ne cachait pas sa joie. Monsieur, Memlik a enfin décidé d'agir. Oui. Le cabinet royal laisse entendre que les investigations du ministre de l'Intérieur ne corroborent pas nos propres assertions. Ah bon? Memlik affirme que nous nous sommes trompés de Hosnani. Le véritable coupable serait un frère de celui-ci qui vit dans une ferme quelque part aux environs d'Alexandrie. Narouz? C'est vraiment incroyable. Comment diable ont-ils pu arriver à cette conclusion? Ça dépasse l'entendement. Quoi qu'il en soit, c'est la position de Memlik. J'ai pensé que vous devriez en être informé. Je pars à l'instant pour Alexandrie. Y a-t-il autre chose, monsieur? Non, rien. Bon voyage, Erol. Merci, monsieur. À demain. Quel imbroglio. C'est à Narouz qu'ils s'en prennent maintenant. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 16e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leïla, David Jesselson, Mount Olive, Valérie Lang, Justine, Med Hondo, Memlik Pacha, Bernard Gabet, Lord Erol, Florent Shep, le barbier. Et la voix de Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.